Et comment est-ce que Sima Plus se débrouille pour avoir les sommes nécessaires? Il y a 3, 4, 5 machines à café chez Sima Plus. Le café est à 50 cents. Il y a 200 employés. Il y en a peut-être 100 ou 150 qui prennent 2 cafés par jour. Ça fait au moins 100 piastres par jour. 500 piastres par semaine, 25 000 piastres par année. Contrairement aux actions de Junex, il ne perd pas de valeur parce qu'il est une ressource naturelle encore plus précieuse que le pétrole et qu'on n'a pas besoin de le fracturer pour en extraire le jus. Voici votre animateur, Jean-Philippe Fauvillier. Hey boy, qu'il y a du monde ici d'asseoir. Hein? Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre de l'annonce incroyable de la candidature tant attendue de Marcel Côté à la mairie de Montréal. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, Marcel Côté finalement confirmé. Enfin. Non, mais êtes-vous enflammé comme moi pour les prochaines élections municipales? Alors, moi, enflammé, ce n'est pas le mot. Je suis une véritable torche humaine. On dirait que vous venez de lire votre texte, là. Vous sonnez comme Louis Arel. Allez-vous voter pour Louis Arel? Non, je le dis pas. Okay. Mais quand même, Marcel Côté, c'est un gros nom. Un gros nom. Mais là... Denis Coderre, c'est un gros nom. Ouais. Voyons donc, Marcel, y a-tu quelqu'un qui veut avoir comme maire un Marcel? On vient de passer 10 ans de Gérald. Vous êtes pour vrai, là. Et hey, puis le monsieur, je sais pas si vous avez entendu à l'hiver dernier, le monsieur a déjà dit que la mafia était plus démocratique que les associations étudiantes. Franchement. Non, en même temps, il a raison. La mafia, ça fait pas des votes à main levée, ça. Ouais, non, c'est sûr, quand la mafia se lève les mains, c'est quand la police arrive. Ouais, normalement, c'est plus... mais bon. De toute façon, c'est pas demain les élections. Hein? On a d'autres choses à traiter. Beaucoup de choses importantes à régler. Ouais, comme quoi? Ben, par exemple, l'histoire du turban sur le terrain de soccer. Ouais. Hey, ça, c'est un débat assez intéressant à votre goût, ça. Moi, je tripe bien raide, moi. Non, mais au moins, Pauline Marois a mis ses shorts, hein? Puis elle s'est prononcée, c'était très clair. Oui, ben c'est pas ses culottes, mais c'est ses shorts. Qu'est-ce que vous voulez? Mais pour une fois, en même temps que le PQ a une position claire, on va en profiter. Ouais, hein? On voudra pas notre plaisir. Mais non, d'ailleurs, on devrait peut-être mettre un gros turban sur l'île d'Anticosti. Ouais. Il me semble qu'on aurait une réponse, enfin. Parlant de turban, il y a une association juive qui... Non, je pense que c'est pas des turbans, eux autres. On sortira pas pour un pied dessus, là. Ben là. Hein? C'est ça, on commencera pas une guerre de religion. Non. On est pas au Saguenay. Non, c'est vrai, franchement. Bon, fait que je disais, Philippe Couillard, hein, qui s'est fait dire, en fait, de ne pas s'opposer au projet de loi du PQ, là, de tenir des élections à date fixe malgré les fêtes juives. Ouais, alors, il me semble que moi j'aurais une solution. Là. Qu'on mette ça le 29 février, ça serait parfait pour tenir des élections 4 ans. Il n'y en aurait pas de chicane. Mais le 29 février, l'affaire, c'est que c'est la fête d'Henri Richard. Ah! Puis là, personne ne veut piler sa fête d'Henri ben Richard. Ben non, j'avoue, hein, Hey, ça me fait penser, connaissez-vous la blague d'Henri Richard? Non, laquelle? On se coupe Stanley quand j'ai gagné. Autant que j'ai de doigts. Humour social? Ouais. L'avant-dernière. Je prendrais un mojito, moi. Ouais. Putain, Fred. Hey, parlant de 11e doigt, on va en profiter. Il y a les travailleuses du sexe qui veulent... Ben oui, on va faire ce lien-là. On est rendu là. Donc, il y a les travailleuses du sexe qui veulent mobiliser la population pour faire changer les lois entourant leur noble métier. Ben non, ça, les prostituées qui mobilisent la population, c'est une maison close, ça, voyons donc. Oui, non, mais non, frère, franchement. C'est que la Cour suprême s'est penchée depuis hier sur les lois condamnant la prostitution. Et Je pensais que ça concernait les films de Génie Conseil, moi, ces lois-là. Oui, c'est ça. Ça, c'est mélangeant, parce qu'eux autres aussi, hein, ils donnent de l'argent de défaveur. Ben oui, non, ouais, c'est non, ça. C'est ça. Non, c'est, non. Pas, c'est pas clair. C'est non, ça. Sauf que les crosses, c'est comme pas eux autres, c'est comme nous autres qui est pogné avec ça, là. Ouais. Bon, on en parlera plus tard. Ouais, ouais. OK. Parlant de cross, il y a la firme nationale, la firme de relations publiques nationale qui a mis fin à son contrat avec la ville de Laval. Hey, ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les élus et particulièrement pour le maire du Plessis. Ben oui. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire. En même temps, je pense pas que ce sera pas facile de trouver une autre firme qui charge 700 000 pour lui dire de ne pas répondre aux questions des journalistes. Il va falloir qu'il cherche longtemps. Ouais, mais en même temps, je sais pas. Non, mais il devrait demander à la firme qui a repositionné Radio-Canada. Ah. Il sauverait 300 000. Ah, ouais, non, c'est vrai. Hein? Ici Laval. Ah ouais. Ici Laval. Si ça marche pas. Alors. Si le monde n'aime pas ça, Laval tout court. Ah ouais. Je sais pas si on a le droit de faire des jokes de même. Ah oui, on revient l'année prochaine. On est. Ouais, mais est-ce qu'on revient ici? Ah ouais, ça c'est ça. C'est moins clair. Ouais, mais enfin. pas signé mon contrat, moi. J'ai pas. Bon. Vous savez d'ailleurs que pendant qu'on fait des jokes plates, oui. hein, on est surveillé sur les internets. Voilà, hein. C'est juste. C'est juste aux États-Unis, ça, ouais. Jean-Philippe. Ici, on est correct. C'est ça. Mais en même temps, vous avez raison. Oui. C'est le ministre Peter McKay, je pense, oui. qu'il l'a dit. Je pense qu'on peut le croire. Je pense qu'on peut le croire. Non, mais la transparence, c'est quand même un des points forts des conservateurs. Non, mais moi, sincèrement, tant que c'est pas Maxime Bernier qui prend un taxi avec mes courriels imprimés, là, je suis tranquille. Oui, ben, en même temps, on peut mettre des micros dans Joe Louis, frère. Non, c'est vrai, faut faire attention. Mais de toute façon, vous n'allez pas sur des sites sensibles, vous, Fred? Ah, non, mais de toute façon, moi, mes photos cochonnes sont en Polaroid. Ah! Pas pris de chance, moi! Ah oui? T'as un scrapbook? Ouais, mais ça, on est cartable. Ouais? Ouais. Divisé par thème ou? Une sorte de couleur, là, c'est selon les thèmes. OK, ben vous m'invitez. OK, on enchaîne? OK! En tout cas, nos invités, ça, on n'ira pas plus loin là-dedans. Non, je pense pas. On avait une couple d'autres, mais on s'en sort de ça autour d'un bon verre de vin. Nos invités cette semaine, je pense, n'ont pas fait de photo cochonne. J'espère que non. Non, on pense pas. On commence tout d'abord avec la grande communicatrice Christiane Charrette. Oui. Mesdames et messieurs, Christiane Charrette. Très, très heureux de la recevoir. Ouais. Ouais. J'aurais une tranche de vie à partager. Vous savez que c'est grâce à elle que j'ai fait de la télé pour la première fois. Hein. Mmh. C'était en... On s'en sort, honnêtement. Alors, la plupart des gens ici n'étaient pas nés. Ben là, franchement, c'était pas si longtemps. Ben ouais, c'était sans couleur. Non, non, c'était en noir et blanc. En fait, c'est juste en noir, le blanc n'était pas existant. Ah ouais. La radio qu'on appelle. Ouais. On reçoit également le journaliste du magazine de l'actualité, Alec Castonguay. Hein? Je vais venir nous faire une revue de l'actualité. Oui. Alex Castonguay. Non, c'est Alec. Ben ouais, non, c'est pas un prénom, ça, Alec. Ben, c'est comme Alec Baldwin. Ah! Mais beaucoup moins populaire. Je sais pas s'il connaît Geneviève Sabourin. Hein? On a... On va avoir le temps d'y demander, Fred. Parce que la soirée est encore jeune! Oh! Hey, grosse semaine. Mais avant, j'aimerais ça aller voir l'Internet, moi. Ben oui, hein? Qu'est-ce que c'est? Ben ouais. Il y a encore de ça? Ben oui. Mais j'ai assez peur depuis qu'on nous surveille. Moi, regarde, je suis plus là-dessus, moi. Comme d'habitude, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site ici.ca/lasoirée. Hey, c'est vraiment moins long à dire. Où ils pourront voir que, selon Éric Duhaime, il n'y a pas de réchauffement climatique parce que la semaine passée, ben il faisait fret. C'est assez clair. C'est assez logique. Bon, grosse semaine, là? Oui. OK, grosse semaine d'actualité, mesdames et messieurs. Non, mais grosse semaine pour vrai. Ben oui. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la faillite de Lino Zambito. Oh! Ben oui. Hey, non, mais dire que ça a été un héros à tout le monde en parle, ben oui. Puis là, il n'y a plus une scène. C'est plate, hein? Ouais. Ah, mais pas tant que ça, maintenant. Non, non, c'est pas ce que je me demande, c'est comment tu fais pour faire faillite quand tu fais de la collusion? C'est ça, il faisait plus de collusion, le monsieur. Hein? Il s'était ouvert à un restaurant. Ah. Mon avis devait pas servir assez de pot de vin. Et voilà. Hein? On a toutes nos réponses. Merci. Premier invité, Fred. Personnalité marquante de la télévision et de la radio québécoise, elle illumine maintenant la rue Marianne de son palace situé au 125 qu'on peut visionner sur les ondes de Télé-Québec. Accueillons Mme Christiane Charrette! Ah! Bonjour, Christiane. Bonjour, Jean-Philippe. Vous soyez là. Ah ben, vous êtes habillé en noir. Oui, ben. Spécial. Ah non, mais très, très heureux de vous recevoir. Ça fait longtemps qu'on veut vous recevoir. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai été assez impressionnée par votre persévérance. Oui. Mais comme j'avais une émission au même moment, c'était impossible. Mais c'est vrai, j'ai dit oui à Marie-Hélène parce qu'elle est irrésistible. Ma sœur, ça. Oui, on se ressemble beaucoup. Oui. Là, évidemment, je vais vous le dire, vous êtes un pilier. Pour ne pas dire un poteau, mais on va dire un pilier. J'aime mieux poteau. Ouais, non, maintenant, c'est vrai. Okay. Ouais. C'est vrai, vous êtes vraiment une légende, même vivante, de la radio et de la télé. C'est un peu gênant de vous recevoir. Oui. Une grande intervieweuse au Québec. Et là, moi, j'ai la job de vous interviewer. Oui. Hein, et ça me gêne un petit peu. Pour être bien honnête. Fait que vous allez pas m'aider. Je crois pas. Ben voyons donc. Je crois pas. Je suis gêné. J'écoute ça, puis je crois pas. J'ai des ronds en dessous des bras, puis te quitte. Voyons donc. Non, mais vous en avez le matin en rentrant au bureau. Fait que c'est pas un argument, ça. Non, mais enfin, Fred, on en parlera plus tard. Autour de notre verre de vin, là, avec vos. On prend le magnum, vos scrapbook. OK. Non, toujours est-il que Christiane Charrette, je regardais votre CV récemment, et je voyais que vous avez commencé. Mais non, mais c'est vrai, vous avez commencé à faire de la radio, hein, donc au micro, en 81. En remplacement de Francine Grimaldi et des chroniques à l'émission de Des Hôtels. Non, c'était en 83. Je le sais parce que c'est l'année où mon père est mort. Ah, c'est pas grave. Le CV, il y avait ben une erreur de. Non, mais c'est rien, 81, 83. Non, c'est quand même c'est important. Mais j'ai commencé quand mon père est mort, puis il est mort en 83. OK. Puis j'ai commencé un tout petit peu de temps après. Alors, donc, comme moi, ça m'a marqué que ce soit en 83. Ben, je comprends donc, mais est-ce que ça ne vous a pas marqué que c'était Grimaldi, par exemple? Oui, absolument. Ou Hôtels, ben oui, non, c'est sûr. Hey, Grimaldi, parce que j'avais fait de la radio, mais quand j'étais encore, je travaillais avant au Musée des Beaux-Arts, oui? comme spécialiste d'art contemporain dans l'ancien FM de Radio-Canada, dans une émission comme spécialiste d'art contemporain. Fait que quand j'ai fait de la radio à la... Première chaîne. Oui, la vraie. Première en même temps. En remplacement de Francine Grimaldi. C'était autre chose complètement pour moi. Puis oui, j'ai remplacé Francine Grimaldi. Hey. Et puis dans ce temps-là, c'était des émissions jumelles. Des hôtels, ça s'appelait Montréal Express. Et puis CBF Bonjour avec Joël Lebigault. Alors, quand on remplaçait Francine, on la remplaçait le matin avec Joël Lebigault, puis on la remplaçait le soir avec des hôtels. Francine Grimaldi. Oui. Donc, on avait deux jobs en remplaçant Francine. On avait deux jobs en même temps. Après ça, ils viennent dire que la radio de Radio-Canada est vieille. Franchement, voyons donc, il y a 30 ans, c'était pas... ils font plus de la radio, les autres, ils font-tu encore de la radio? Enfin. toujours est-il que vous êtes sorti de votre sabbatique pour venir sur les ondes de Télé-Québec avec le 125 Marianne, que beaucoup de gens ont apprécié. Vous avez été énormément suivi pour Télé-Québec. Mais non, mais ça. Oh, je suis à Télé-Québec. J'ai déjà fait. Je sais ce que c'est, Télé-Québec. C'est pas facile d'aller trouver du public. Et pour un vendredi soir, c'est pas facile le vendredi soir. Ben, moi, ça dépend. Moi, mais non, mais moi, j'ai trouvé ça. Quand Dominique Chaloux, la directrice des programmes, m'a proposé le vendredi soir, ça m'a fait peur parce que j'ai dit, mais oui, mais moi, le vendredi soir, je sors, je vais au restaurant. Ben, je veux pas être chez nous le vendredi soir. Je veux pas être chez nous le vendredi soir. Je sais, moi non plus, je sens que ma vie est plate chez nous. Ben, je sais. Moi, j'ai envie de mourir. Oui, c'est ça. Alors. Je me dis, il n'y a personne qui va regarder ça. Mais elle y croyait beaucoup. Puis elle trouvait que c'était un bon soir pour Télé-Québec. C'est pas là que vous allez être, vous? Oui, je sais. Non, mais c'est ça, mais c'est correct. Oui! Puis il faut, tu sais, c'est juste d'être toi-même comme si t'étais sorti le vendredi soir dans ton émission. Dans mon émission. Sois comme un peu chaudasse, si t'étais dans une sortie toi-même. Ah oui? Oui. Mais après 2-3 verres de vin. Bien, en tout cas, finalement, j'avoue que j'en ai pas bu dans celle-ci. Arrêtez donc! Mais... J'en buvais, tu sais. Mais non, mais vous pouvez me le dire, là, il n'y a pas. Ici. Non, oui, mais... ben mon Dieu, je me sens mal. Voulez-vous une bière ou de l'eau? Ben non, une bière. J'en ai déjà de l'eau. Ah bon, ben je vais vous donner. C'est une rousse. Ça vous va-tu? Non, pas du tout, mais je vais la prendre quand même. Ben, j'ai peut-être de la blonde d'ailleurs. Oui. Ah, écoute, on n'est pas stressé. Ben... Voulez-vous juste m'en relever? Mais quand j'étais chez Roger, je pense que je prenais un peu de vin en animant. Ah oui, vous faisiez ça? Oui, je pense que oui. Mais moi, je prends de la bière des fois. Mais c'est quand c'est du mousseux, j'en prenais. Mais là, j'ai pas osé en prendre. Vous n'aviez pas le budget pour un champagne chez. Non. Ah, non, on n'avait pas un gros budget. C'est une canette, une grosse canette. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Donc là, vous venez de terminer votre première saison. Ça a été annoncé que vous revenez l'année prochaine. La seule affaire, c'est que Télé-Québec est obligé de vraiment piger dans son budget pour aller produire une émission hors saison comme ça. Puis ça nous met un peu mal, Patrick Lagacé et moi, parce que notre projet de deux hommes en or, ben c'est ça. Hein, ça va être deux hommes en bronze. Ça m'étonne pas. C'est ça. Moi, je me disais, je m'attendais vraiment, elle avait vraiment dit que ça serait, c'était pour 10 semaines. Ouais. Je me disais, avec ce que ça va coûter, deux hommes en or, ça pourra jamais, jamais revenir, cette émission-là. Ben, j'étais certaine, je me disais, ces deux gars-là vont bouffer tout l'argent de Télé-Québec. Mais là, avec... Le Saturday Night Live, là. Alors, on a plus là, je m'excuse, mais c'est ni 125 Marianne, ni vous autres. Non, là. Je sais, c'est l'enfer. Saturday Night Live. Qui coûte cher. Ils sont allés à New York. Je le sais, juste pour regarder. Oui. Imagine-toi ce qu'ils nous reste à TV, comme en argent. Plus, c'est comme... Puis ils ont des humoristes, on est fêtes. Non, je sais. Quand les humoristes arrivent, ils viennent tous manger. Ouais. Puis, à part si c'est des gens des apartistes. ils sont moins dangereux, eux. Vous savez que Fred a déjà été dans les apartistes, hein? Je le sais, mais certainement que je le sais. C'est vrai que j'ai dit, ma première émission de télé, c'est à Christiane Charette, oui, à Chirurgie. Oui, Chirurgie, non? J'habite là, c'est à Chirurgie. Ce qui n'est pas faux. Non, c'est pas faux. Quand vous avez accepté de faire cette émission-là, Télé-Québec vous a donné carte blanche. Mais vraiment carte blanche. Oui. Quand on dit carte blanche, hey, oui, on vous donne 6 missions, partez avec ça, puis pensez à quelque chose. Oui. Puis vous avez pensé ça? Mais ils savaient un peu le style que je faisais. Ben oui, on s'était bien, quand on même un peu parlé. Cuisine, on s'était un peu parlé. Ouais. Ils savaient un peu dans quel esprit je voulais le faire. Ils connaissaient le genre de travail que je faisais. C'était un peu ça qu'ils voulaient aussi. Puis ils savent comment je suis aussi. Il faut dire que j'étais avec des gens qui me connaissent. Isabelle Albert, qui est à Télé-Québec, ça a été c'est mon vrai? Patron ici, et à la télé, et à la radio. Dominique, sans qu'elle ait été directement mon patron, on se connaissait indirectement aussi. Ils savent comment je suis. Toute la même gang. Puis ils savent aussi que quand je suis bien, ça va, puis je me sens bien. Ouais. Puis quand je suis pas bien, je suis pas bien. Est-ce que vous êtes bien? Ça, oui. Oui, okay, oui, oui, là, c'est je suis bien. Bon, c'est bon. C'est là, je suis bien. Alors, ils savent comment me prendre, en fait. C'est une ruse psychologique pour me parler, ça. Fait que là, vous avez vraiment réchauffé notre siège, là, pour mais c'est vraiment la même case horaire? Bien, je pense bien, mais là, je ne veux pas révéler le problème. C'est-tu 9h? Vous autres, êtes-vous 9h à 10h30? J'ai pas 1h30, moi. On n'a pas ce budget-là. Ben non, vous mais l'avez non, tout mais pris. Non, c'est à pas cette demi-heure-là, on a bien essayé de. C'est pas ça, Jean-Philippe. Tu fais plus long avec le même argent. Ah oui? C'est juste ça l'affaire. Si tu veux faire plus non, long, il sait, faut pas c'est que ça pour coûte ça qu'il une scène une heure, de plus. C'est très bien. Mais tu peux être plus compact. Tu sais, quelqu'un va dire, fais-le plus court, ça va être mieux, plus serré, blablabla. Il y a deux écoles de pensée. Ouais, là, on dirait que j'ai peur, là, de... Mais de toute façon, on n'a pas une scène. OK. Toujours est-il que vous êtes sorti de votre sabbatique. Vous avez dit que de jouer avec les bobos vous a donné le goût de revenir. Oui, ça m'a guéri d'un blocage assez important vis-à-vis de la télé. Et ouais, un blocage pour la télé? Oui, oui, un vrai blocage. En 2004, quand j'ai arrêté chez Roger, Christiane Charrette en direct, je me voyais pas faire de télé. Ça m'a, sérieusement, là, ça m'a pris. Je me voyais pas faire de télé. Je sais pas, je le sentais plus. Et puis, bobos. Hein. J'ai fait Cabine C, mais c'était comme une sorte de télé qui était, c'était pas tout à fait ça. Non. Comme télé, il y avait un téléprompteur, c'était pas de la télé, ce que j'appelle là, la grosse télé. Avec direct, là, la grosse caméra, puis surtout l'éclairage qui est tellement, quand même fort. Puis le public aussi. Non, moi, ça vraiment, n'importe quand. C'est l'éclairage qui est très, très fort. Assez maudit, c'est comme, ça. Oui. Mais les gens, ils connaissent pas ça, l'éclairage. Non, mais on va vous en mettre, vous allez voir. Vous allez pas triper en tout. Mais, non, sérieusement, pour terminer ma longue réponse, là, quand je voulais pas y retourner, puis quand je la regardais, je me disais, je me vois plus. Comment ça fait que j'étais capable de faire ça? Je me voyais pas. Puis Marc Labrèche, quand on m'a proposé de faire un sketch avec lui, je suis pas capable de dire non à ça. C'est dur. Hein, puis finalement, je me suis dit, bien, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas faire de la télé? C'est le fun, ça, de pouvoir se dire, ah, j'aimerais ça faire de la télé, puis on en refait demain. Mais non, c'est pas ça, tu sais. J'ai eu un an sabbatique. Oui, non, j'ai eu un an sabbatique à regarder le mur. Puis à me dire, là, toi... Vous regardiez le mur? Ben, c'est une façon de parler. Ah, OK, OK. C'est une manière de parler. Mais tu sais, je me disais... Toi, là, c'est ton métier, ça, quand même, là. Ouais. Tu sais, la radio, la télé, c'est ton métier. Puis là, t'as mis un X, un gros X sur une grosse partie de ton métier. Puis j'étais dans cette espèce de... C'est ça que j'appelle le mur. Alors, disons qu'il y avait un concours de circonstances qui favorisait les circonstances. Puis là, on est content de revenir, là. Oui, absolument. Très contente. Bon, ben parlez-moi. Est-ce que vous êtes contente de revoir Christiane? Faut répondre. Ils n'oseront jamais dire non. Ben, non, mais attendez. Non, son franc, hein, son franc. Ah, oui. Maintenant, on a reçu Raymond Bachand sa première fois. Ça peut-être, c'était pas... Non, mais les politiciens, on peut toujours... C'était moins ça. Tu peux dire des choses aux politiciens que tu peux pas dire aux autres êtres humains. Vous pensez? Ben, absolument. Ben, j'ai dit beaucoup de choses à Christine Saint-Pierre. Oui. Oui. Moins André Boisclair, après. Oui, non, ils m'ont pas eu le temps. Ça, c'est plus. Oui, non, c'est plus difficile. On va parler de votre passage à Tout le monde en parle parce que j'ai été fasciné de voir ça. Ça nous a pris du temps à vous avoir parce que vous êtes une invitée de type A. Hein, ça, je pense que c'est clair. Oui. Christiane Charrette est une invitée de type A. En tout cas, on pourrait discuter de ça. On va en discuter, justement. Là. Vous êtes une invitée de type A. Hein, bon, okay, ça, c'est entendu. je trouvais ça drôle parce que dans votre émission de 125 Marianne, vous aviez plusieurs invités par semaine. Hein, plusieurs. Et je n'ai pas été invitée à aucune de ces 10... Non, mais t'as failli! Oui, en remplacement. Ça serait trop long à raconter. Ouais, non, c'est mais ça, j'ai confondu. J'ai pris sa sœur pour lui. C'est une autre affaire. Pour vous dire, je suis le de ma sœur, qui elle fait même pas de TV. Bon, non, mais regarde, c'est pas grave. Mais c'est intéressant, ça, ce listing-là du ABC, parce que c'est vrai quand même que des fois, on sent, comme par exemple Fred, c'est un peu... il est plus dans l'alphabet, mais je veux dire, quand... Mais c'est dur de se sentir à l'extérieur du... Je suis la 27e lettre de l'alphabet. Alpha, tu tombes dans les lettres grecques, puis en Grèce, t'en sais pas capoter. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant cette nomenclature-là parce que ça nous donne une perspective complètement différente. Par exemple, à Tout le monde en parle, ceux qui ont des cartes chouchou, là, c'est rarement des C. Hein? Tu trouves, toi? Ben, écoute, la première fois que je suis allée, ils m'en ont pas donné. Non. Puis la deuxième fois, ils m'en ont donné une. Fait que peut-être Moi, je parlais de la carte d'abonnement. Ah, des cartes. La carte. La première, je suis allée deux fois, tout le monde en parle. En 2006, à cause de l'émission de radio, ils m'ont pas donné de carte. Je m'étais dit, ils m'aiment pas au fond, tu sais. Ils m'ont pas donné de carte. Puis la dernière fois, ils m'en ont donné une. Mais moi, je l'avais vu plutôt positif, mais peut-être c'est négatif. Non, ben, quand Dani te remarque, je sais pas comment tu vois ça. C'est pas. Ça dépend, c'est ouvert. Mais là, si on fait la liste, là, dans vos invités de l'année à 125 Marianne, vous avez reçu beaucoup de A. Il y en avait pas mal. Il y en avait, oui. Si vous aviez une liste à faire pour la deuxième saison de 125 Marianne... Suite, là? Ben, tout de suite, on peut... c'est parce qu'on est en onde, c'est pas OK. Mais on peut prendre un peu de temps. Ça prend du temps, OK. Mais un invité que vous voulez recevoir, un A pour l'année prochaine, un souhait, à part moi. Oui, non, mais c'est ça, mais toi, c'est sûr que je voudrais te recevoir l'année prochaine. Deuxième saison, c'est ça. Comme ça, non, mais tu sais, on ne dit pas ça comme ça, A. Ben non. Tu veux dire un A. Ben oui, un A, là. Un A que vous voulez recevoir l'année prochaine. Mon Dieu, écoute, je vais te le dire tantôt. Il va y avoir d'autres invités, je vais y penser. Ah oui? OK, parfait. Oui, on a un... Je veux dire, un A. Tu veux un A que je voudrais avoir pour l'année? On peut y penser. Il y a plein de bouts de plates d'ici là. Que je voudrais avoir pour l'année prochaine. Mais je vais y penser, là. Ah oui, non, j'ai confiance. J'ai très confiance. Oui, c'est bon. Oui. Ben, vous restez avec nous, de toute façon. Ben, si je suis invité, oui. Ben oui, il vous reste encore de la bière. Ben oui, non, mais... puis on en a, là, on en a comme... Mais vous, des pailles? Des pailles? Moi, Je pourrais peut-être envoyer quelqu'un. Ah, je vois Barbara du jus de Caron dans le fond. Peut-être acheter une paille à la, oui, à la cafétéria. Merci. Vous restez avec nous? Ben, parfait. depuis quelques années, la CSST mène une campagne de sensibilisation qui est assez efficace, hein, grâce à son porte-parole, Claude Legault. Eh bien, ça nous a inspiré cette publicité que la CSST pourrait utiliser l'an prochain pour le Grand Prix de Formule 1. On écoute. Faut que ça arrête. Les accidents du travail, ça blesse beaucoup de monde. Beaucoup plus qu'on pense. Même du monde qui sont bénévoles. La souffrance d'un contrôleur, c'est aussi celle de sa famille. Mais pas celle de Bernie, c'est encore lisse, il veut juste notre argent. Faut en parler, puis il faut agir pour rendre tous nos milieux de travail sécuritaires. Il me semble que tant qu'à mourir, c'est à job, aussi bien de payer, surtout quand ton boss reçoit des millions du gouvernement pour enrichir d'autres millionnaires. Faut que ça arrête. C'était une publicité, ça. C'était une publicité engagée, Fred. On n'en veut pas de ça. Bonne imitation, en tout cas, François. Oui, oui, ouais, franchement. On va s'y prendre. Oui, ben, il joue des policiers, Claude Legault. Hein, fait que c'est un peu dans votre palette, Fred. En plus de nous donner un break de Jean-Sébastien Girard, elle est comme de la vaseline sur la peau d'un lépreux. Mon Dieu, que ça fait du bien de la recevoir. Notre reporter tout-terrain substitut, Catherine Desormeaux, qu'on écoute. Catherine, bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe. Ah, ça va bien? Ah, ça va bien déjà, ma dernière collaboration avec vous, et que le temps passe vite. Oui, ben ça dépend. OK. Écoutez, pendant que vous buvez de la bière, moi, je parle vin. Ah oui? Soir, hein? Oui, plus précisément du projet de loi 395, la loi déposée par Stéphane Billette. En fait, c'est une loi pour favoriser et promouvoir la vente d'alcool 100% québécois dans les SAQ, épiceries et restos de la province. Mm-hmm. Puis vous allez faire quoi avec ça? Ben non, mais moi, ça, je dis, êtes-vous malade? Ah! Avez-vous déjà pris une brosse au Arpent des Neiges, vous? Rarement, rarement. Non, mais tout le monde le sait que les vins fabriqués au Québec, c'est de la chenoute. Oui, oui, oui. Ça me semble être une grosse conclusion, mais oui. Continuez. Non, ben je m'excuse un peu d'accumulation de rage, là. C'est parce que, si seulement vous retourniez mes appels, Fred. Fred, vous retournez pas les appels? Je sais, mais je suis très occupé. OK. Il travaille deux jours par semaine, Catherine. Ben oui, c'est ça. OK. En tout cas, pour parler de la loi, je suis en compagnie de Ronald George du blog 20 de Radio-Canada. Ronald, la loi 395, c'est pas un peu prendre les consommateurs pour des épaisses? Plus ou moins, ça dépend. Parce que Québécois, là, ouais, quand on parle de boissons québécoises, c'est quand même le caribou, hein, qui est important. Oui, ben mais ça. Cette loi-là, elle laisse une bonne place aussi à faire Québec. Donc, on pourrait faire de la vodka à partir des résidus. Ben, on essaie d'encourager aussi cette industrie-là. Bon, c'est sûr, on veut mettre de l'avant le vin québécois, qui, en passant, peut me faire des ennemis dans la salle, dans le studio, mais quand même des bons vins québécois. Ça s'améliore, c'est moins pire. Et là, Ronald, moi, je demande juste à être convaincu. Il m'a apporté quelques bouteilles de bon vin québécois. Alors, on y goûte pendant la chronique de Fred, et puis on vous revient. Fait qu'en tout cas, ben, buvez peut-être une coupe de verre de vin, puis on vous parle tantôt, OK? C'est bon! OK, merci! Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne, une émission qui est bien contente de ne pas s'appeler La Soirée est encore grecque. Ouais. Oui, ça va pas bien en Grèce. Non! Hein? Non, mais bon, ça va pas mieux ici, hein, c'est votre chronique. OK, allez-y. Alors oui, c'est presque la fin, mes chers amis. Déjà, ben oui, déjà ma 49e chronique de l'année. Et avant de vous offrir une chronique en feu d'artifice la semaine prochaine pour notre grande finale, permettez-moi cette semaine d'offrir mes vœux les plus sincères aux gens qui ont rendu possible cette fabuleuse année radiophonique qui s'achève bientôt. Une année qui passera certainement à l'histoire. Vous allez voir, c'est une chronique absolument pas complaisante. OK. Je vais d'abord remercier nos politiciens qui, grâce à leur pudriticité... Pardon? C'est un autre néologisme de mon cru. Okay. On ne les compte plus. Nous ont permis d'avoir du matériel de premier ordre tout au long de l'année. Nous sommes bénis avec de tels sbires de faire de l'humour d'actualité. Si on faisait du Lise Dion, on aurait déjà épuisé nos blagues de bang depuis longtemps. Donc, merci au PQ qui, grâce à son va-et-vient continuel depuis qu'il est élu, m'a permis de voir mon travail comme un véritable coït humoristique. Merci au PLQ qui nous a fourni d'excellents invités, à mis à part Jean-Marc Fournier, qui, rappelons-le, m'avait improvisé une formidable leçon de mathématiques. J'en garde un souvenir franchement ému. Merci à la CAQ qui nous a été fort utile cet été quand nous débutions et qui, depuis, sombre dans un certain anonymat qui nous oblige à ne pas parler d'eux, mais qui est probablement fort salutaire pour la démocratie. Merci également à Québec solidaire et Option nationale qui, dans les semaines creuses également, nous ont fourni également du matériel et par parfois même des invités et accessoirement un réalisateur. Merci! Merci au gouvernement conservateur de nous permettre de mettre de la moelle autour de l'os de nos blagues de Hubert gauchiste. Je les remercie surtout de ne pas nous écouter, comme Maxime Bernier aime bien le glousser sur les ondes de Radio X. D'ailleurs, merci à Radio X de m'avoir inspiré le personnage de Kevin Gosselin du Radio X Jazz. Grâce à lui, j'ai pu enfin allier deux de mes grandes passions, la musique jazz et les blagues grivoises. Merci à la direction de la première chaîne qui nous a toujours supportés, et ce, dès nos débuts en juin l'an dernier. C'était pas facile. Oui, des gens ont quitté, d'autres restent. Mais leur soutien est toujours très apprécié. Je me considère béni des dieux. Ça aurait pu être pire. Je pourrais travailler au département des communications. Merci. Un merci également à certaines émissions de la première chaîne que nous avons écorchées cette année. Hein. Qui aime bien, châtie bien, comme le dit le poète. Mais il faut faire attention, les dictons ne sont pas toujours vrais. J'aimerais remercier également moi, toute mon équipe, hein, Valentine, Jean-Loup, Jean-Sébastien, Olivier, Jean-Philippe. Je sais que les constants colibets dont vous m'avez affublé tout au long de l'année ne mettez pas au grand jour votre mépris, mais cachez plutôt cette carapace que vous utilisez pour masquer la grande admiration que vous portez envers moi. Je vous comprends, si j'étais mortel comme vous, je m'ébaudirais moi-même de ma capacité de travail titanesque, de mon humour ravageur et de mon talent tout aussi incroyablement extraordinaire. Mais surtout, merci à vous, cher public, qui est là en studio ben oui. chaque semaine, pas seulement pour profiter de nos gratuités houblonnées sans gluten, mais bien pour pouvoir voir et toucher des gens qui un jour se retrouveront certainement au Panthéon de la radio québécoise, un Panthéon qui n'existe pas encore, c'est vrai, mais qui devrait voir le jour essentiellement pour célébrer notre excellence. Et merci également à nos auditeurs qui ne peuvent se déplacer et qui nous écoutent à la radio, ce partout au Canada. Hein. C'est d'ailleurs grâce à vous que dès la semaine prochaine, je vais profiter de 2 mois de vacances bien méritées, à vos frais, en quelque sorte. Je les passerai essentiellement à réécouter mes chroniques de cette année, particulièrement le boson de Higgs, qui fait déjà école dans les écoles de radio. Mais je ne ferai pas que me complaire dans mon propre talent, puisque je jouerai également au golf durant mes vacances. Oui, la gauche joue au golf. Ça s'appelle d'ailleurs une slice quand on est droitier. Mais je n'en suis pas là, alors il reste encore du travail à faire. Alors on se dit à la semaine prochaine! Non, pas de blague! Je suis vraiment dû là, pour des vacances. Oui, ouais. Le citron goûte l'orange. Ça sent, ça s'écoute, ouais. ça se transpire. OK! On va aller retrouver Catherine Desormeaux. Catherine, vous en êtes où, là? Si j'étais pas si loin, Fred, je vous frencherais direct, là. OK! On enchaîne. Je suis toujours en compagnie du sympathique Rénal Georges, qui a une technique, ma foi, un peu douteuse de goûter le vin. Il recrache, lui. Donc, vous en êtes rendu où, là, dans votre beuverie? Ben, en fait, on est rendu à la portion d'accord mets et vins. Dites-moi, Ronald, les vins québécois, est-ce que ça se mange juste avec la tourtière, ça? C'est une question. Un rouge québécois, il y a 10 ans, avec la tourtière, j'aurais dit absolument non. OK. C'était pas bon. Ah. Les rouges québécois, il y a 10 ans, ils étaient infects. Maintenant, ça va, ça commence. Un peu plus d'allure, il y a quelques rouges québécois. C'est tout! Ah, c'est tout! OK, mon Dieu! C'est pas beau, une femme qui boit. Hein. C'est pas... En tout cas, hey, Fred, notre deuxième invité. Oui! Journaliste au magazine L'Actualité, il traque les allées et venues de nos politiciens grâce à sa plume acérée. Accueillons le journaliste Alec Castonguay! Bonsoir. Monsieur Castonguay. Bonjour. Assoyez-vous. C'est ce que je fais à l'instant. Là, vous avez une bouteille d'eau. Vous êtes à l'actualité. J'imagine que vous n'avez pas la chance de boire d'alcool souvent. Les budgets. C'est ça qui arrive. Hein. Une bière? Pourquoi pas, tiens. C'est sans gluten. Je peux prendre la rousse que Christiane a refusée. En fait, on a pas mal rien que ça. C'est juste... on est rendu là. On est content de vous recevoir, Alec Castonguay. Catégorie D. Bon, c'est ça, c'est un invité de type quoi, Alain? Non, lui, il est avec du Trizac au 98,5. Oui, d'ailleurs! Mais non, mais ça monte sa cote! Ils sont pas au courant! Ça monte sa cote! Vous venez de gagner un prix, Alec Castonguay. Oui. Je sais pas c'est quoi le prix, mais vous venez de gagner un prix pour votre portrait du ministre de l'Immigration, Jason Kenney. Oui. Hein, un portrait de 45 pages. En fait, 45 feuillets qui faisaient 12 000 mots. OK, on va parler de la politique cette année. Et franchement, on a eu du fun cette année avec la politique qui a joué un grand rôle dans nos émissions chaque semaine. Et on va commencer par la politique québécoise parce que, franchement, grosse année pour le PQ. Oui. Grosse année, oui. Grosse année dans tous les sens. Oui. Élection d'abord. Oui, ben, d'abord, ils ont gagné. Puis, ils ont gagné, ce qui est une première femme, première ministre de l'histoire du Québec. C'est pas rien quand même. Ouais. Après quoi, 30 ans d'attente et une mutinerie évitée, peut-être plus qu'une même, mutinerie évitée au PQ, c'est quelque chose. Là, se rendre jusque-là quand t'es chef du PQ, déjà, c'est bon. Ben oui, c'est déjà spécial. C'est d'ailleurs leur seul bon coup cette année, je pense, l'élection. Et ensuite, ben, comme vous le dites, quelques chaos un peu, difficultés d'apprentissage peut-être au pouvoir. Là, il y a eu quelques reculs, disons, dans la première année. Ça n'a pas été facile. Les avez-vous comptabilisés? Il y en a beaucoup. Ça m'aurait pris beaucoup de temps libre pour être capable de le faire. Mais disons qu'on arrive à une dizaine de reculs importants. OK. Ah, qu'on parle de la taxe santé, du fait qu'on ne voulait pas hausser les tarifs d'électricité, puis on a changé d'avis, nommer André Boisclair à la fonction publique à vie, changer d'avis en plus, les redevances minières qui ne sont pas à la hauteur. Bref, les reculs importants, là, peut-être une dizaine, là, je dirais. C'est moins pire que je pensais. Ouais. On a, hein? C'est ben moins... C'est parce qu'ils les ont bien étalés. Ah, mais c'est ils sont là depuis 10 mois, un par mois. C'est une bonne équipe de communication. Tu gardes la constance. Je comprends donc. Et si on avait une note à mettre sur 10, là, tu sais, entre 8, 9 ou 10, là, pour le PQ? Quoi, 6 peut-être? Non, entre 8, 9 et 10. Ah ouais, absolument. 6. Peut-être 6, ouais. Mais 6, c'est quand même mieux que je pensais. Ils passent, là. C'est la note de passage parce que tout n'est pas mauvais. On se rappelle toujours des mauvais coups. Il y a eu quelques bons coups. J'aurais peut-être pu mettre un peu plus si on n'avait pas eu une plateforme électorale de fantaisie comme on l'a eu au PQ. Ah, parce que tous ces reculs-là, ils viennent du fait qu'on a visiblement écrit la plateforme du PQ sur une napkin, sur le coin d'une table, et qu'on s'est dit « personne ne va la lire de toute manière », on l'a lu. Mais c'est ça. Et là, quand tu arrives au pouvoir et que tu es obligé de reculer sur ta plateforme, le monde s'en rend compte un peu. Puis c'est pas tant le fait de reculer qui est le problème, parce qu'en démocratie, c'est bien de reconnaître tes erreurs, de pas t'entêter, de pas être figé, donc d'écouter la population. Le problème, c'est quand ta plateforme, qui est donc ton contrat moral avec la population, n'est pas respectée. Là, il y a un problème en démocratie de faire un peu toujours le contraire de ce que tu as promis. C'est ça qui est maudit avec la démocratie. C'est bien étonnant, ça. Des vieilles habitudes comme ça. Hein? Pas trippant là, en démocratie dans ces cas-là. J'aimerais mieux les associations étudiantes dans ce cas-là. Oui. Ça avance au moins. Ouais, parlons des ministres, parce qu'il y a les acteurs au PQ. On en a reçu plusieurs, d'ailleurs. Si vous aviez des bonnes notes à donner, qui a bien fait comme ministre au PQ? Véronique Yvon, qui vient de déposer sa loi sur mourir dans la dignité. Très gentille, hein, d'ailleurs, qu'on l'a aussi. Très gentille, très talentueuse. En fait, ce qui m'a étonné... Très jolie. Ben, je voulais pas le dire. Non, je sais bien, j'ai vu. Mais je suis tellement content que vous me... Oui, écoute, elle est sortie du bureau, du studio, en fait, et Fred et moi, on avait son numéro de téléphone. Oui, oui. Hein? Bon, on continue. Les deux ministres qui avaient l'air d'avoir été punis lors du Conseil des ministres, Bernard Drinville et Véronique Yvon, qui avaient des rôles plutôt mineurs, t'sais, personne n'était à la santé, à l'éducation, aux finances, alors que c'était quand même des gens talentueux, ont probablement réalisé les choses les plus importantes et intéressantes du PQ cette année. Véronique Yvon le disait sur la loi Mourir dans la dignité. Mmh. Bernard Drinville, élection à date fixe, réforme du financement des partis politiques. Il a réussi à amener ça avec beaucoup de doigté. Bon, le Parti libéral a un peu trouvé que la fête juive était dans le chemin, mais finalement, ils se sont ralliés. C'est des choses qui ont un impact quand même à long terme, l'élection à date fixe, réforme du financement, dignité, mourir dans la dignité. Donc, les deux ministres qu'on voyait peut-être en punition ont finalement, à mon sens, fait les meilleures performances avec Sylvain Gaudreau aux affaires municipales qu'on n'attendait pas. Je ne l'avais même pas mis sur ma liste de ministrables et il s'est ramassé avec et affaires municipales et transports en même temps. On ne l'a même pas mis sur notre liste d'invités. Non. C'est pour, et voilà. Donc, bonne année pour lui aussi. Oui, quand même. Les pires, là, à part Jean-François. Les pires. Disons que Martine Ouellet aux ressources naturelles a un peu de difficulté. Pas son année. Coincé entre probablement ses convictions et la nature de son ministère qui est d'encourager le développement des ressources naturelles. Ouais, c'est fâchant. À un moment donné, ça, c'est fâchant quand il faut que tu fasses ce que t'aimes pas. Mais le problème, c'est pas Pauline qui a nommé. Je veux pas mettre rien sur le dos de Pauline. Non. Mais je veux dire, on regarde ça vite. Là. Ben, ultimement, c'est toujours la première ministre qui choisit qui est dans quel poste. Donc, Si on dit ça, on dit Daniel Breton, peut-être pas le meilleur. Daniel Breton, pour les mois qui ont été là, faut dire. Il n'a pas été là très longtemps, mais quand deux même. Mois. Mais deux mois qui ont effectivement brassé un peu la cabane. Daniel Breton a un peu de difficulté. Je le mettrais dans cette catégorie-là. Ah, moi aussi, je l'aurais mis dans cette catégorie-là. Guy Chevrette, n'en est plus ministre. Hein? Non, il n'est plus ministre. Il y a eu des mois difficiles, mais pour d'autres raisons. Ah, c'est ça. J'aurais cru que... Du côté du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, son élection. Oui. Est-ce que le Parti libéral va reprendre les rênes aux prochaines élections? Une grande question. Je ferais beaucoup d'argent si je savais la réponse. Je pourrais miser à Las Vegas. Il y a sûrement des paris sur les élections québécoises. Guy Chevrais s'occupe peut-être de ça. Probablement. J'en ai aucune idée et je pense que les sondages actuels ne sont pas très fiables pour savoir si Philippe Couillard est oui ou non placé pour prendre la tête. Et est-ce que le PLQ est en business quand même? Est-ce que ça va aller mieux au PLQ? Ben, il l'est plus depuis qu'il y a un chef. Quand il n'y avait pas de chef, ça reste difficile. Donc là, évidemment, Philippe Couillard est un médecin. Il paraît bien, il s'exprime bien. Mais il est un peu dans sa lune de miel, là. Ça va un peu redescendre. C'est drôle, hein, quand il est venu ici. C'est pas sa qualité première. Non. Il est sérieux. Sérieux. Malgré qu'en privé, parce que moi, je l'ai suivi pour un long portrait dans l'actualité. Et une autre affaire de 45 pages. Voilà. Et il peut faire des blagues à l'occasion. Des blagues de médecin. Ça doit être drôle. Bon. C'est une fois un amputé qui va. Oui, on les connaît tous. C'est des blagues de médecin, donc il faut comprendre un peu le jargon. Il va avoir fait 3-4 ans d'études facile. On comprend, c'est correct. Par exemple, on a reçu à deux reprises Raymond Bachan. On a adoré, nous. Lui, il est drôle. Il est très drôle, Raymond. Visiblement, ses militants l'ont un peu moins adoré. Ouais. Il a fini troisième, quand même. C'est ça? Comment ça n'a pas bien été, lui, pour Raymond? Probablement la pire année avec Martin Cochon. Que Raymond Bachan ait contact avec Martin Cochon ait eu une année pire que lui. Comme ça, il y a un libéral qui peut vraiment dire qu'il a eu la pire année. Parce qu'honnêtement, on pensait que Raymond Bachan pourrait chauffer Philippe Couillard dans sa course au leadership. Finir troisième derrière Pierre Moreau, quand t'es ministre des Finances, que t'as une bonne notoriété. C'est un ancien péquiste, hein? Je pense que ça y a une nuit. Oui, puis je pense qu'il a fait une course au leadership avec des réflexes de péquiste. Les libéraux n'aiment pas beaucoup quand on se tire dessus en famille. Ça a pas été, Des réflexes de péquiste, pourtant, on se dirait que c'est bon, hein, mais non. Allons à la politique fédérale. Vous parliez de Martin Cochon. C'était pas ça, hein. On l'a reçu, Martin, qui était très, très positif juste avant l'élection du nouveau chef. Il y avait beaucoup d'espoir, Martin. Ouais. En même temps, ça fait peur, quelqu'un de même, hein, parce que tu dis, mon gars, je sais pas pourquoi un gars comme Martin Cochon a décidé de se présenter contre Justin Trudeau? C'est le moment où on met un silence bien placé. On va le laisser là. Parce qu'on en a aucune idée. Il s'est lancé à la 11e heure, la veille de la date limite. Il n'avait même pas ramassé toutes ses signatures au Canada. Il était obligé de demander à des adversaires dans la course, qui se sont retirés même en cours de route parce qu'il n'était pas assez populaire, de l'aider à signer ses pétitions au Manitoba et dans d'autres provinces pour qu'il puisse se présenter. Ah oui, à ce point-là. Quand tu te présentes puis que tu n'as pas les 150 signatures requises dans toutes les provinces, puis rendu comme 11h30, puis dans une demi-heure, tu remets ta candidature, ça aurait dû te donner 2-3 signes que ça va être tough. C'était juste pour remplir ses points Air Miles. Je veux dire, c'est niaiseux, mais au sortir de ça, il y a un voyage gratis, lui. Effectivement. Il faut voir ça de même, je pense. Est-ce qu'il y a vraiment un effet Trudeau? Ça, c'est la question qui me fascine parce qu'on voit que les conservateurs commencent tranquillement à descendre. Il y a. J'allais dire des rats qui quittent le navire, mais c'est pas un beau... Non, c'est pas des rats. C'est des matelots. Disons-le poliment. Des matelots qui quittent le navire. C'est mieux que... Je me sens mal. D'un coup, donc, il y a des matelots qui quittent le navire. Ça descend. Est-ce que c'est parce que l'effet Trudeau est vraiment là? Il y a un effet Trudeau. Est-ce qu'il est dû à Justin Trudeau ou à l'écœurantite aiguë de beaucoup de Canadiens par rapport à la gestion de Stephen Harper? Parce que c'est dur à savoir, est-ce que tu baisses parce que tu es vraiment mauvais ou parce que l'autre est bon? Dans ce cas-ci, on peut se poser la question, mais oui, il y a un effet Justin Trudeau, il y a une attirance. Je dirais chez les plus jeunes et les plus âgés. C'est comme si la tranche du milieu était un peu indifférente à Justin Trudeau, mais le vieux fonds libéral est content qu'un Trudeau revienne, le nom de son père. Je comprends donc. Et la jeunesse est contente d'avoir quelqu'un avec les cheveux semi-longs. Non, mais tu sais, qu'il se présente, ça pas arrivé souvent. Ben non, écoute. Y a-tu un tatou? Il y a un tatou, oui. On l'a vu d'ailleurs quand il a boxé. Il y avait un tatou de Cathy Mavic en. Il a battu un gars que lui, ça va pas bien depuis ce temps-là. Hein? Non. Et je suis pas sûr que c'est relié à ça tout à fait. Non, il n'y a pas de. C'est vrai que depuis ce temps-là, ça donne que. Il n'y a pas de lien, mais. Il y a une chute rapide. Ouais, c'est ça. On dirait qu'il a voulu surprendre après. OK. Si on avait une prédiction à donner pour l'année 2013, bon, là, il nous reste quoi? 6 mois. Hein? Une prédiction. Est-ce qu'il va y avoir des élections municipales? Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va y avoir des élections provinciales? Non. Arrêtez donc. Non, ben je pense pas. Parce qu'on a basé notre budget là-dessus oui. l'année prochaine. Ouais. Pas de writers supplémentaires à cause des élections possibles. Le problème, c'est que dans un gouvernement minoritaire comme celui-là, ça prend... Dans l'opposition, il faut être deux pour danser. Mm-hmm. Philippe Couillard a beaucoup le goût d'aller danser au bal. Mais donc, François Legault, avec ses intentions de vote, est un peu sur la touche. Ouais, regarde Philippe Couillard danser seul. Il dit « je vote-tu pas? » Il ira pas. Ben, moi, je pense qu'il ira pas. Pourtant, ça va bien, hein, son financement, lui. Oui, hey, très bien. 6 000 quand t'es battu par Québec solidaire, tu peux dire que ça va bien. C'est... Québec solidaire. Je veux dire, ces gens-là, ils ont pas. Donc, je pense que non, ils seront pas capables de s'allier. Les intentions de vote seront jamais les deux assez bons pour qu'ils y aillent. Et comme Pauline Marois, actuellement, n'est pas placée pour y aller elle-même, déclencher des élections de son côté, je pense que le budget 2014 seulement va être la prochaine poignée disponible. C'est vrai. Mais on peut toujours se tromper, là. Mais moi, je pense qu'il y en aura. Vous, les journalistes, vous vous trompez jamais. Jamais. Mais jamais. Ben, je pense qu'il n'y en aura pas cet automne. On a très... Donc, là, on parlait de Justin Trudeau et j'aimerais ça terminer. Est-ce que c'est l'invité de type A que vous voulez savoir? Ben oui, absolument. On a essayé. Ben oui, nous aussi. On a essayé à mort. Nous autres aussi. On est même allé jusqu'à essayer d'inviter son père. Oui. Pas voulu. Oh, mais son père, c'était vraiment un A, ça. Hein? Oh, oui, ben lui, il m'a dit, rendu ce qu'il est, c'est plus qu'un A, là. Si tu réussis à l'avoir, à mon avis, t'es ailleurs, tu sais. Mais bon. Ben merci, Alec. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Ben parfait. On a de la bière en masse. Oui. Fred, notre prochain chroniqueur. Après 49 semaines d'écoute de Radio Jambon, il est toujours vivant et son équilibre mental est toujours préservé, ce qui prouve qu'il est un être surnaturel. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Hey! Quoi de neuf cette semaine, Olivier? Eh bien, en fin de semaine dernière avait lieu le Grand Prix de Formule 1, l'occasion pour plusieurs féministes de dénoncer le commerce du sexe particulièrement florissant lors de cette fin de semaine. Or, pour Sylvain Bouchard de Cogeco, le monde capote un peu trop et ça, c'est un jeu risqué. De dire parce qu'il y a des femmes sexy, les gens veulent des putes, tu sais que c'est à peu près le même raisonnement qui amène aux femmes voilées. Souvent, moi, je me demande pourquoi les féministes ne dénoncent pas plus les femmes voilées. Mais je comprends. Ben. Selon elles, une femme sexy en jupe au Grand Prix, tout de suite, ça déclenche dans le cerveau de l'homme innocent une pute! Une pute! Eh oui! Dénoncer la femme objet et la prostitution nous mène tout droit à la République islamique, tout en nuance, notre Sylvain. Ouais. D'autre part, vendredi dernier, Jean Lapierre nous expliquait que pour modifier la date d'une élection à date fixe, une fête religieuse était une circonstance suffisante. Exemple, si effectivement ça arrivait comme le scénario que l'élection pourrait arriver le premier lundi d'octobre 2016, la journée de la fête du jour de l'an juif, ben là, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Mais cette semaine, après que le PLQ ait reculé en ayant l'air un peu nono, Jean Lapierre resserrait ses critères de circonstances suffisantes. Mais je trouvais ça un peu une tempête dans un verre d'eau, franchement, Jean. Ben oui, mais au-delà moi... de toute partisanerie, voyons donc. Non, mais ben moi, sincèrement, que le gouvernement se donne une marge de manœuvre, parce que si t'avais, je sais pas trop quoi, moi, une épidémie de H1N1... Ben, en cas de circonstances graves. Exactement. Faut dire que Jean Lapierre et au-delà de toute partisanerie sont deux choses irréconciliables. Parlant de recul, Radio-Canada décidait cette semaine de ne plus vraiment changer de nom, ce qui n'a pas empêché les animateurs de Radio X de nous taquiner un petit peu. Dominique Moret. Ici! Viens ici! Viens ici! Ici Jean-Christophe Ouellet pour ici. Ici. Dis-le avec une voix de pâteux, là. Ici Jean-Christophe Ouellet pour ici. Faut dire qu'une voix de pèteux, ça fait pas tellement vrai monde. Et si Radio X changeait de nom? Proposition de Denis Gravel. On change-tu de nom, d'autres aussi, tant qu'à y aller? Nous autres, ça va être Ichi. Ichi. Ichi. Ça fait vrai monde. Vous écoutez le show du matin, Ichi. Avec Jérôme Landry, Denis Gravel, Ichi en sacrement. Ah, ça fait vrai monde. Ah, l'humour fin au petit déjeuner, ça commence toujours bien une journée. D'autre part, la presse nous apprenait cette semaine que ça n'allait pas super bien côté changement climatique et que la planète est dans le trouble. Heureusement que Jacques Brassard était là pour nous éclairer sur la chose. Une hausse du CO2, ça a des effets bénéfiques aussi. J'en parle de façon régulière. Je suis considéré comme un hurluberlu. Oh, tout à fait. Un hurluberlu, puis Rénal Dubergé aussi, malgré ses hautes compétences scientifiques. C'est comme si on vivait une deuxième grande noirceur au plan intellectuel. Dixit, ceux qui évitent de mettre en lumière une récente analyse concluant que 97% des études scientifiques sur les changements climatiques affirment qu'ils sont causés par l'homme. Grande noirceur toi-même. Devrait-on plutôt se fier à un ancien ministre diplômé en pédagogie et à Rénal Dubergé, un ancien prof de géologie qui s'improvise climatologue? je vais rester poli parce que, selon Dominique Moret, ceux qu'il appelle les réchauffistes tombent rapidement dans les insultes et tout ça nuit au débat. Réchauffiste, c'est pas une insulte, en passant, c'est un petit mot doux. Il devrait d'ailleurs en parler à son collègue Denis Gravel qui a encensé Peter Sergakis, l'homme d'affaires qui a vertement engueulé des manifestants, les traitant de drogués et les invitant à se trouver une job. C'est le héros de la semaine, Peter Sergakis. Va travailler. Comme c'était la pire insulte que tu pouvais lâcher à un gars qui travaille pas. Go to fucking travail! Vidange! Et dire que pendant ce temps-là, Radio X poursuit des gens qui les traitent de Radio Vidange. Enfin, terminons avec Éric Duhaime, qui avait un scoop pour nous lundi dernier. Les jeunes employés de la Ronde doivent faire un serment d'allégeance à leur syndicat lorsqu'ils sont engagés, ce qui est effectivement assez jambon. Mais selon Duhaime, si c'était une affaire religieuse, là, on s'indignerait bien plus. Là, on dirait, hey, la religion, c'est la liberté de chacun, puis laissez-nous penser comme on veut, puis c'est des enfants de 16 ans, c'est du lavage de cerveau, vous êtes des écœurants, vous êtes des endoctrineurs. Ben, c'est ça que vous êtes, gang de syndicalistes! Ben oui! Imaginez s'ils faisaient ça à l'église, là, ou bien s'ils faisaient un serment d'allégeance chez Walmart, là, comme le même Duhaime en discutait il y a 2 mois. Le fait qu'ils essayent de mettre un sentiment de fierté puis d'appartenance à Walmart, moi, je trouve ça extraordinaire. Et on chante! A-L-M-M-A-R-T-T. Qu'est-ce que ça fait? Walmart! C'est qui le meilleur? Walmart! Eh oui, on dirait qu'il y en a qui sont endoctrinés plus facilement que d'autres. Merci Olivier! Il est vraiment toujours bon, Olivier. Toujours. Ah, oui, contrairement. Prends des notes, moi. Oui. Honnêtement, là, pendant l'été, on travaille ça. Hey, le turban sur les terrains de soccer du Québec fait toujours couler beaucoup d'encre. Et rien de mieux qu'une ancienne publicité de shampoing avec Vincent Danfoss pour nous inspirer une parodie qui va mettre un peu d'huile sur le feu. On écoute. Quand je joue, ce ne sont pas mes croyances religieuses qui comptent. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles de caméra et les millions de téléspectateurs, mes convictions doivent être impeccables. Des pellicules? Il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Turbans. Je peux leurrer les pellicules et les Québécois et donner une belle apparence à la touffe de cheveux que je vois. Je peux pas toujours avoir un turban sur la tête. Head & Turbans, tous les jours et tout le temps, mais juste au Québec. Mon Dieu, la bonne imitation, hein? J'aurais cru que c'était Vincent Danfoss. Olivier, vous vous améliorez chaque semaine. Je l'écoute souvent à l'antichambre. Ah oui, c'est ça. On va aller retrouver Catherine. Qu'est-ce que vous voulez? On est rendu là dans l'émission. Faut suivre le plan. Puis au pire, on coupera ça au montage. Ouais. Catherine! Salut! Hey, je voulais profiter de la présence de Ronald pour donner quelques suggestions de vin pour nos invités. Oui! Alors, allons-y avec Christelle Charette. Avez-vous quelque chose de peut-être, je sais pas, bobli, un peu fruité, léger? Non. Non. Un vin acide, mais qui est trop jeune. Donc, un vin qu'il faut attendre un petit peu. OK. Il faut être patient, là. Ah, OK, parfait. Il y a de Sainte-Pétronille. C'est la réserve du bout de l'île 2011. C'est du vin d'Alcli. C'est un vin de l'île d'Orléans. Donc, il y a beaucoup de zeste, de lime, beaucoup de zeste, très belle acidité de la roche. C'est comme une sangria, dans le fond. Parfait. Ah, je ne connaissais pas celui-là. Non, moi non plus. On prend des notes à la maison. Et pour mon beau Fred Savard, quelque chose de costaud, enrobant. Voyons. Épuisant, vin charpenté, là, qui s'embellit en vieillissant, peut-être. Ah, vous n'avez jamais vu, honnêtement. Fred, pour toi, là, je te recommande un vin de glace. Le vignoble de la Halte des Pèlerins, le Graal 2010. Oui. Ouais, parce qu'il y a des pruneaux, il y a beaucoup d'acidité, il y a du sucre, des noix de Grenoble. Oui. Cette expression, tu vas aimer ça, mon frère. Bon. Les pruneaux, ça a son âge, c'est pas mal ça. Ça fait partie d'une belle hygiène. Ben, merci beaucoup, mon Ron. Eh, les gars, attendez-moi, je m'en viens prendre une bière. Ouais, c'est beau, honnêtement, on s'en va tantôt, là. OK, bye! Fred, notre dernière chroniqueur. Elle nous restitue l'absurde de l'actualité comme un jeune enfant nous restitue son premier repas solide et sa fesse. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Ah, Léa! Oui! Vous avez remarqué, hein, Léa? Comme je me lève jamais pour vous accueillir. Mais Vous vous levez pour les autres? Ah oui. Ah bon? Ah oui, oui. Ah oui. Hey, vous avez un trou dans votre robe. Je suis tellement contente que t'en parles, Jean-Philippe, je te tutoie pour la cause. Non, mais je... Oui, j'ai un trou dans ma robe, mais merci de le dire. Mais c'est dans votre dos, donc quand elle se lèvera tout à l'heure, vous la regardez. Non, mais j'essaie de faire des efforts, mais c'est fake. Ben oui, ça fonctionne pas. Hey, vos nouvelles insolites de la semaine, Léa, lâchez-vous là. Dans un hôpital de Berlin... Ça commencerait, dedans. Oui, comme ça, à Berlin. Allez-y. À sec. Il y a un gars de 24 ans qui s'est fait retirer un crayon à mine qui était logé dans son crâne depuis plusieurs années. Ça a dû être tout un soulagement. Ah, il était là, mon crayon! Ouais, ouais, <c'est... rire> Mais tu sais, le plus invisible est souvent directement dans ta face. Ben oui, ou littéralement dans ta tête. Dans oui, ce cas-ci. Mais merci de me voler mes punchs. Oh, pardon, excusez-moi, je savais pas. Je savais pas que vous étiez drôle. Ensuite, en Californie, le maire d'une petite ville a exigé qu'un panneau publicitaire de JCPenney soit retiré parce que la photo de la bouilloire qu'il y avait dessus ressemblait étrangement à Adolf Hitler. Ah? Donc, ouais, c'est pas grave. Ah, le donc, gars de... oui. Il n'y a pas juste à Toronto que le maire fume du crack, visiblement. Ouais, ouais, ce maire-là aussi, il a l'air assez inspiré. Ouais. Ceci dit, mais j'avoue qu'on voyait Hitler sur la bouilloire. Genre, j'arrive à voir comment est-ce qu'il voyait cette illusion-là. Mais de là à dire que ce serait intentionnel, je pense que toutes les marques du monde s'entendent pour dire que Adolf Hitler n'est pas le meilleur porte-parole pour ton produit. Ouais. T'as pas comme Tony Le Tig, Captain Crunch, Adolf. Ouais, non. Mais en même temps, ça dépend du produit, je pense. T'as pas de... Mais regarde, on y va pas là. On y va pas là. Ça dépend. Regarde, on n'a pas des... C'est un bon four. Ouais, c'est ça, je voulais pas aller là, honnêtement. Puis c'est pas... Il y a une raison pourquoi je voulais pas aller là. On passe à autre chose. Il y a pas de problème. On enchaîne. Votre contrat est pas signé pour l'année prochaine. Non, toujours pas. Mais bon, on espère que ça va. Malaise, il y a des malaises, regarde. Il y a des malaises. Mais c'est pas grave, on va les gérer, les malaises. Léa, continue. On va les couper, mal. À Vancouver, y a un homme qui a oublié sa Porsche sur un des traversiers de la ville. J'haïs ça quand ça m'arrive. Moi aussi, mais ça me prend tout le temps. Je sais, mais trouvez-nous une solution à ce problème-là. Ben, je sais pas. Peut-être une application, oui. Quand la police a retrouvé le propriétaire de la Porsche, il a dit qu'il ne trouvait plus son auto, fait qu'il était rentré chez lui en autobus. Ouais. Je trouve ça louche. Ouais. Ah oui? Ouais. Non, moi, je viens d'une famille assez riche. Mon père n'avait pas une Porsche, là, mais quand même, une fois, son auto était au garage. J'ai dit, ben, papa, on pourrait prendre le bus. Il m'a demandé si avec 10$, on avait assez. Ben, 10 piastres, c'est puis sûr. Puis ça, c'était en 96, donc ça coûtait pas prendre 10$ prendre le bus. Monsieur Strelitzky, il est pas du peuple, j'aurais cru. Non, non, mais c'était pas pour parler de moi, c'était juste pour faire une joke. Ah, ok, ok. Non, mais, moi, ça non, mais bref, donc tout ça pour dire que d'après moi, le gars, il sait pas de quoi il parle. Okay, la police a ouvert une enquête et je pense qu'elle fait bien. Oui, ben peut-être, oui, qu'est-ce que je voulais. Parlant de police, en Russie, il y a un chat noir qui a été attrapé en train de livrer illégalement des téléphones cellulaires dans un camp pénitentiaire. Est-ce que c'est bien nécessaire de dire que le chat, il est noir, sérieux? Ouais, honnêtement. Je suis un peu tanné du profilage racial. Moi, personnellement. C'est pas ça qui avait attiré mon attention, mais c'est vous. OK, en allez-y. Ouais. Puis en terminant, en Belgique, il y a une agence qui surfe sur la ligne de la légalité en louant des femmes de ménage en tenue sexy, car Dieu sait que c'est comme ça qu'on est le plus confortable pour faire le ménage. Ouais. Ben, je sais pas, allier deux choses qu'on aime, le sexe, le ménage. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. Parlez pour vous. On enchaîne. OK. Mais bref, légal ou pas, ce que j'ai aimé, c'est que sur la page d'accueil du site, il précise « Votre femme ne le saura pas ». Alors, sincèrement, mon homme, trompe-moi dans mon lit, ça se peut que je le sache pas. Mais engage quelqu'un pour faire le ménage à ma place. Ça se peut que je m'en rende compte. Merci beaucoup, Léa. Merci énormément. Ah. C'est rafraîchissant quand même, Léa. Ah, c'est une bouffée d'air frais. Ben vraiment. Hey, c'est déjà tout pour ce soir. Pouvez-vous croire à ça? Ben oui. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est le cabaret Plus on est fou, plus on lit. Et c'est Bande à part tout de suite. Après, merci à toute l'équipe. Valentine Ticotte, Jean-Loup Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge. Un gros merci à nos invités de ce soir. Christiane Charrette, on vous voit en onde au printemps prochain. Oui. Ça va. Oui. Entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres projets? Non, pas vraiment. Arrêtez donc. Non, pas vraiment. Fait que une petite sabbatique. Oui, mais non, pas vraiment non plus. Non plus? Non. Plus l'inconnu. OK, parfait, parfait. On s'en va dans l'inconnu, mais on vous revoit en avril prochain avec 125 Marianne et Alec. Bonne élection. Ben, pas provinciale, mais municipale. Ouais, il va en avoir une à un moment donné. Ah oui, regarde. Oui, regarde. Ben oui. La vie est bien faite. Merci beaucoup. Et quant à nous, si vous voulez réécouter l'émission, notre balado est disponible sur notre site web. Et ne ratez pas notre dernière émission la semaine prochaine. C'est notre dernière émission de la saison. Et ce sera rempli de surprise! Wow! Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde!